riche. Yeah, yeah. Jeune Africain devenu riche, j'ai quitté le pays sans papier. Deuxième album, deuxième disque, la pression, le soutien du quartier. Des doutes, j'hésite à faire du sale ou bien chanter. Mais je dois tuer le rap français, mettre le MC en danger. Les gueules de la guerre, je m'en doute, t'ont fait du mal abondamment. Donald et toute la troupe, n'a rien à battre évidemment. Seul passe au monde entier, personne sur qui compter. J't'ai vu pleurer, pas sous ciel, non. Fucking la belle, tu ne sais pas combien je t'aime. Perdre c'est ma patrie, mes gènes. Pour toi, j'suis resté le même. Ce qu'ils te font me fait beaucoup de peine. Jusqu'à ta mort, il faut pas que tu les craignes. J'suis lâcheur et ceux qui tiennent les rênes. Quand ta rumba, je déploie mes ailes. J'investis au bled dans le médical. Crois pas que ça va aller. Tant que la calèche n'a pas parlé. Je demande pas de faire la guerre. Juste de ne pas donner ton tarpé. T'as que ton soutien gorge pour ça le soutien. T'inquiète pas, bientôt je reviens. Dame Sauce de Vie, capitale 9 de I. Y'a du noir si t'as besoin. L'Occident menotte et tes dirigeants. J'trouvais Patrice plus intelligent. Ton peuple est le plus grand des médisants. S'entraide de pas préfère division. Jamais tu ne vas tomber, même pas sur le monde entier. Je vais batailler, tailler jusqu'à tailler. Oh, oh, oh. Fucking